Bonsoir à tous. C'est le premier thème. On va aborder le premier thème du débat. On va accueillir Sophie. Bonsoir. Et le débat, c'est sur quoi, Gérard? Pour l'instant, j'accueille les gens et après, j'irai sur quoi que c'est. D'accord. Sophie, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Lolita. Bonsoir. Lolita. Bonsoir, Gérard. Non, mais si t'as du monde derrière, c'est pas la peine, d'accord? C'est pas la peine. Non, mais y a personne. Non, mais attends. Y a personne, Gérard, y a personne. Ouais, non, mais attends. Non, mais attends. Bon, ouais. Déjà, tu as commencé à les calmer. Les doubles sons, j'en veux pas. C'est bon, Gérard, on se calme, continue. André, bonsoir. Bonsoir. Sandrine, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Sex Machine. Bonsoir les filles, bonsoir Gérard, bonsoir Olivier. Hop. Bonsoir. Sex Machine. Pourquoi? J'ai rien fait. Non, attends. Je t'ai dit, je veux pas des habituels. Mais je suis pas un habituel. Non, parce que pas. T'es un habituel, tu crois? On verra après, on verra. Non, mais attends. On verra après, Gérard. Continue non, à présenter non, les non, gens. Non. Continue à présenter dégage. Gérard, d'accord. Continue à présenter les gens. Bonne nuit. Il va changer de prénom et dégage. Allez. Non, mais il va pas changer de prénom. Non, pas du tout. D'accord, Tony. Mais non, c'est... Ouais, c'est Arnette. Bon. Non, c'est... Gérard. Hop. Richard. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir Richard. Bonsoir. D'accord. Alors, comme j'avais prévu... Ouais, donc... Hop. Les deux. Ok, les deux. Bon, alors, maintenant, on continue. Gérard. Non, pas. Non, mais à chaque fois qu'il y a des mecs, tu veux les virer, de toute façon. Tiens, c'est pas des habituels. Non, mais attends. Continue, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, attends. Gérard, on continue, s'il te plaît. Allez. On t'aime, Gérard. Gérard, c'est ton débat, c'est toi qui commande. Hein. Ouais, bah. Alors, c'est ma chaîne, Richard, dehors. Okay, c'est pas grave, Gérard, on continue. Dehors. C'est de la discrimination. Comment? C'est de la discrimination. Il pleut dehors, en un seul mot. Dans ce cas-là, on n'avait pas besoin de t'appeler pour faire changer de nom, d'accord? Mais non, mais pas du tout. C'est mon nom d'artiste. Non. Merde, je suis une bête de sexe. C'est ton nom d'artiste, d'accord? Je suis une bête de sexe, c'est pas de ma faute quand même. D'accord. C'est pas ton nom d'artiste, ok? Gérard, je peux comprendre, tu vas pas me gonfler. Ok, Gérard, maintenant tu continues la présentation. Ok? Vas-y, continue. Ok. Non, mais c'est ma scène. D'accord, on a compris. Tu continues. Continue. Gérard. Donc, premier terme, les positions. Oui. C'est quoi le débat? Connaissez-vous les... Le... Kama... Sutra. Le Kama quoi? Le Kama Sutra. Le Kama Sutra. Donc, connaissez-vous le Kama Sutra? Oui. Oui, qui? Oui, Audrey. Oui, Audrey. Oui, Audrey connaît le Kama Sutra, oui. Et alors? C'est un livre de chevet et je ne m'endors jamais sans le lire. Ah, moi, je croyais que c'était une montagne au Japon. Qu'est-ce que j'aime te dire? Non, Manu. Hey, tu te fous de moi, là? Manu malin, là. Moi, je connais pas, moi, le Kama Sutra. Moi non plus, c'est quoi? Moi non plus, Gérard. Bah alors, les filles. Je les explique, Gérard. Non, mais. Tu connais le Kama Sutra, Gérard? Audrey, elle a dit qu'elle connaissait. Oui, bah justement, je préférais que ce soit toi qui explique. Tu connais, tu expliqueras mieux que moi. Vas-y, connais la musique. Explique-nous, Gérard, déjà, ce que c'est pour toi, le Kama Sutra. Non, bah. Vas-y, explique-nous d'abord. J'ai demandé aux filles qui sont là. Alors moi je réponds aussi, je ne connais pas le Kama Sutra, donc est-ce que toi Gérard, connais-tu le Kama Sutra? Est-ce que tu peux nous expliquer? Après moi je vais ce que j'en pense. Lolita? Moi non plus je connais pas Gérard. Tu connais pas? Sandrine? Moi non plus Gérard, je connais non. pas. Non, comme par hasard, il n'y a aucune fille qui connaît. Bah si, j'attends que tu me le dises moi Gérard. Quand tu nous le dis, Gérard, c'est quoi? Quand tu nous expliques, Gérard. Bon, en fin de compte, même moi, vous voyez, je suis coincé parce que j'ai même pas été voir ce que ça voulait dire sur le dictionnaire. Je sais pas ce que c'est, mais à ton avis, c'est quoi? À ton avis? Bon, à mon avis, ça doit être un 69 en l'air. C'est-à-dire un 69 en parachute? Ouais. T'as vu, Gérard? Tu es un livre chinois, Gérard. Comment? Gérard a vu juste, Gérard, le Kama Sutra, c'est un 69 en l'air. Ah, heureusement que là pour nous expliquer, Gérard. Voilà. Bravo, Gérard. Voilà. Bravo, Gérard. Donc, deuxième question. Gérard, on accueille Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour. À la place de Sex Machine, comme tu me l'as demandé, Gérard. Richard, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Deuxième question, Gérard. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir, Gérard. Bon, deuxième question, Gérard. Donc, deuxième question. Quelle position préférez-vous? Richard, l'hélicoptère. C'est quoi l'hélicoptère? C'est pas mal. Attends, Richard. Ouais, pardon. Ouais, maintenant, il y a Sabrina. Ok, ouais. Vas-y, Sabrina, vas-y. Non, je préfère qu'elle réponde, excuse-moi. Ouais. Non, non, non, mais attends. Il y a Sabrina, il y a Sandrine, il y a Audrey, il y a Lolita et Sophie. Alors maintenant, bah, tu as expliqué ce que c'est l'hélicoptère. Ouais, alors je pense que... Enfin, l'hélicoptère, c'est une sorte de... En fait, c'est quand t'es allongé et tu fais tourner ton sexe le plus rapidement possible. N'importe quoi, tu fais... Hey. Ouais, c'est un peu de la poésie, c'est vrai. Attends, la poésie, non mais attends, oui. tu prends les gens... Non mais c'est parce que c'est une métaphore, c'est pour ça. Ah, c'est une métaphore. Mais en fait, elle était bête, Gérard, cette métaphore. Très belle métaphore. Ouais, n'importe quoi. Alors attends, Richard. Oui, je t'écoute. Sans que les pilleurs, attends. Ouais. C'est quoi un 69? 69, je pense que c'est quand le... C'est la... On se met devant, et la fille derrière, est avec... Votre ceinture. Ouais. Non, plus de s'il vous plaît. Attendez. Je demande à Richard, qu'est-ce que c'est un 69? C'est poil aux dents. Non, mais sérieusement, je pense que c'est la fille qui est sur le garçon retourné. Oh, oui. Hein? Oui. Non? Oui. C'est poil aux dents. Attends, c'est quoi? C'est ça. La fille touche le garçon dans l'autre sens. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, à l'envers. Parce que... Non mais attends, hey Richard. Oui. Est-ce que t'as déjà fait un... Est-ce que t'as une copine dans ta vie? J'en avais une, mais je me suis fait larguer. Ah ouais. Mais tu t'es fait larguer, pourquoi? Peut-être parce que j'avais pas des trucs, mais bon, moi je suis jeune, quoi, j'ai 19 ans. Ouais, t'as 19 ans, mais attends, tu sais ce que c'est un 69? Gérard, est-ce que tu as déjà fait un 69? Est-ce que... Attends, Ah oui, ça y est, ça me revient. Gérard. J'ai sur ma fiche... J'avais noté tout à l'heure un peu, j'avais préparé l'émission. Non mais attends, t'as noté quoi? Non mais je pense que... T'as noté que si tu continues, tu vas retourner au standard vite fait, bien fait. Non, c'est bon. Gérard, t'es gentil avec toi, pourquoi t'es méchant? Non, attendez. Je t'en prie, Gérard, vas-y, expose ta position, y'a pas de problème. Maintenant, c'est moi qui vais... Je t'en supplie, ouais. Comment? Je t'en supplie, y'a pas de problème. Je t'en supplie, je couche pas avec toi, d'accord? Ok, y'a pas de problème. C'est quoi ton 69, Gérard? Alors, le 69, déjà, une. C'est la nana. Nettoyer les instruments. La nana. Mais laissez-le parler. Oui, laissez-le parler. Bon, j'ai l'impression que tout à l'heure, je vais arrêter vite fait. Non, allez. Vas-y, Gérard, réponds à la question. Donc, un 69, pour dire à Richard ce que c'est, c'est la nana ou le mec qui se présente. La nana vient. Bon, on ouvre la porte, ouais. Bon, attends, Richard, tu permets, je te l'explique. Non, pardon, c'est intéressant, pour moi, t'es un puceau. Non, ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Tu peux parler. Non, mais t'as raison. Dis-le-moi, t'es un puceau. En plus, il y a un sondage qui donne raison, il y a 79% des gens à 19 ans qui sont puceaux, effectivement. Non, c'est vrai, Gérard a raison, c'est vrai. Bon, la suite, Gérard. T'es puceau, ben. Ouais, c'est même pas un 69. Si tu sais pas ce que c'est la nana qui vient sur toi qui te suce le gland, et toi tu lui suces la foune. Ah non, Gérard, pas du tout. D'accord. Attendez, qui c'est qui est pas d'accord avec moi sur le 69? Audrey, t'es pas d'accord? J'ai le Kama Sutra sous les yeux. Je parle pas du Kama Sutra. Ah mais attends. Audrey. On a la deuxième question, Audrey, là. Audrey. Oui. Maintenant, tu vas répondre à Richard comme c'est un puceau. Ouais. Tu vas lui demander ce que c'est. Tu vas lui expliquer ce que c'est un 69. Ça n'est pas du tout cela. Ah, c'est pas ça. En fait, oui, c'est ça. Assis, la fille passe son genou droit par-dessous son épaule gauche et passe sa main gauche par-dessous sa cuisse droite. N'importe quoi. C'est ce qu'il y a sur mon livre. Attendez, il y a une question Minitel. C'est-à-dire que j'ai deux réactions Minitel. D'abord, il y a quelqu'un qui s'appelle Dollar. Donc bon, c'est le nom. Mais de manière, j'ai été précoce, source Christine. Il y a aussi 69, c'est un 70 moins un doigt. Qu'est-ce que t'en penses? La première question, je répondrai pas. C'est pas précoce. Ça sert à rien de répondre. Mais attends, Richard, si t'es pas content... Non, mais je suis d'accord avec toi. D'accord. Alors, c'est ta queue, 69. Comment? T'as fait ta queue, le 69. Non, mais attends, pour l'instant, tu t'es, je réponds aux questions Minitel. Non, c'est pas un 70 moins 1. Et alors, il y a Eric, département 91, hein, qui te dit il dit la position préférée de Gérard, c'est à genoux dans les WC de la loco. Bon, alors là, tu vois, les prochaines questions comme ça, c'est même pas la peine. D'accord. Ouais, mais ça, c'est facile de dire ça. Attends. Attends, Richard, c'est... Non, mais je crois que t'as raison. Non, mais justement, Gérard, t'as raison. Parce que tout le monde dit, parle de la loco et tout ça, t'incendie, alors que les mecs, ils y sont même pas, la loco. Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu sais où c'est, la loco? Mais Gérard, c'est à Paris. Attendez les filles, laissez parler le puceau. Ouais, c'est vrai, je suis puceau. Vas-y, puceau. Alors, puceau. Ouais, la loco, je crois que c'est une boîte de nuit à Paris dans le 18ème. Je sais pas, moi j'habite Caen, alors... Ah, t'habites Caen. Ouais. Oui. Non, mais ce que je disais, Gérard, tout simplement, c'est que t'as bien raison, parce que les gens, ils disent des trucs sur toi et la loco, et alors qu'il n'y a aucune preuve, et c'est n'importe quoi, quoi. Ouais, c'est de la démagogie, tout simplement. Oui. Tout simplement, c'est de la démagogie. J'aimerais qu'on parle sérieusement et de faire le débat. Au moins, là, ça commence bien. Continuons. Continuons la tête. Non, mais attends. Reprenons le débat, Gérard. Attends, Richard. Ouais. Attends, Richard. Ouais. Ah, j'attends, je... Bonjour, la troisième question. Non, mais pour l'instant, j'attends que... On n'en a pas répondu à la deuxième. Ben, si. Mais t'as répondu, moi, hein. Bon, Olivier, ça, tu n'as pas commencé. Tu n'as pas commencé. J'ai rien fait. Mais non, c'est Christine. Bon, est-ce que je pourrais répondre à la deuxième question? C'est Sophie. Ben alors, Sophie. Alors, c'est quoi la deuxième question? Quelle position préfère alors, Sophie? Alors, moi, je préfère la levrette. Oui. C'est ce que c'est, Gérard? Bah oui, la meilleure. C'est quoi la levrette alors? C'est la nana qui a quatre pattes et tu y apprends par. Waouh! T'as déjà pratiqué, Gérard? Non. T'aimerais bien? Quand je trouvais la chasseur à mon pied, comme j'ai toujours dit. Ok. D'accord. Troisième question. Donc, Lolita. La question, oui, c'est sur la position préférée, ça, Gérard. Oui. Lolita. Oui. Donc, pour toi. La levrette aussi. Levrette. Audrey. Moi, ouais, c'est missionnaire. C'est-à-dire? Non, une missionnaire, je connais pas du tout. Je voudrais bien que tu m'expliques. Parce que j'en entends parler souvent et je voudrais bien que tu m'expliques ce que c'est un missionnaire. Alors, je pense que les filles vont pas me contredire. Le missionnaire, c'est quand la fille se met à genoux, ouais, que le mec fait le poirier sur la tête, ouais, et qu'en même temps il la pénètre. C'est ça, d'accord. C'est un truc spécialisé missionnaire dans le désert. C'est ce qu'il faisait avec les chèvres et tout. Enfin, mais... Perso, voilà. Attends. Gérard, retourne au débat. Parce que ça chauffe. Ouais, d'accord. Allô, est-ce que Gérard est là? Oui, je suis là. Bah, et toi, ta pause préférée, c'est quoi? Non, mais... La pause café, non? Bon, Moi, c'est la pause la loco. Allez, hop. Hop. Bon, tu allez, arrête, avec machine, il faut qu'il dégage. Oui, Gérard, mais on accueille quand même Florence à la place de Sabrina. D'accord. Sur la position préférée, j'ai un message de Gork qui dit... Gérard, tu m'écoutes? Tu dégages avec ta caméra et vous arrêtez de me faire chier avec la fumée derrière, s'il vous plaît. Merci. D'accord. J'aime bien ton t-shirt, Gérard. Moi aussi, déchiqueté. Ok. Donc, il y a sur Minitel, il y a un sondage qui a dit en Amérique, la position à la mode est la position de l'hippopotame alcoolique. Et alors, en Chine, la position du mène à la vapeur fait fureur. Bon, de manière... Pas mal. Tu connais? Non, je connais pas, mais de toute manière, j'en ai rien. Gérard, comment tu dis un slip en chinois? Comment tu dis un slip en chinois? J'en sais rien. Chichoy. Sac à couilles. D'accord. Donc on accueille qui à la place de qui là? Manu le malin? Je te l'ai dit, on accueille Florence à la place de Sabrina. Gérard, tu te réveilles un peu là? Gérard, ça reprend le débat? Florence à la place de Sabrina, il y a... Bon, d'accord. Gérard! Qu'on sache, Gérard? Réveille. Ouais, j'aimerais bien. Gérard, t'as pas la forme ce soir. Non, mais... Gérard, t'es énervé. Faut que tu pètes un peu. Vas-y, hein. Un peu gueule, là. Donc, qui c'est qui a pas répondu à ce merci? Gérard, écoute tes envies, fais comme ton t-shirt. Donc, bon, Gérard, ta position préférée est laquelle? Non, mais... bon, déjà, Richard, tu dégages. C'est pas moi, c'est cette machine. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, j'ai envie de dormir. Bonne nuit. J'ai envie de dormir. On va pas passer la soirée à dire dégage. Mais c'est bon, je m'excuse. Ça va, je t'implore. Je te respecte. Ça va 5 minutes maintenant. Oh, c'est quoi ce bordel là? C'est les appareils qui chauffent. Rassis-toi, Gérard. Vas-y, Gérard. Richard, tu dégages. Calme-toi, Gérard, calme-toi. Bon, Manu, le malin, s'il te plaît, Richard, Attends, mais Gérard... À force de crier, il y a deux filles qui sont parties, Sandrine et Florence, elles ont accroché. Ben voilà, tout simplement. Bon, Gérard, si tu veux qu'on reste, tu poses tes fesses sur le canapé. Ouais, ben si tu veux, ben tu viens déposer sur mes yeux si tu veux. Ah, je veux bien, moi, je demande que ça. Hein. Ben tu viens. T'habites où? Ben ce soir, j'habite très loin, j'habite à. Ah, tu m'excites. Bon, tu reprends le débat, Gérard. Tu reprends le débat. Gérard, allez. Non, alors moi. Donc, ta position préférée. Ma position préférée, c'est la levrette, voilà. Mais t'as jamais fait ça, comment tu peux aider? Il y a deux personnes qui. T'as jamais fait la levrette? T'as jamais fait la levrette, Gérard? Moi, ça. Bah, tout à l'heure, t'as dit non, alors faudrait savoir. Si, t'as dit qu'il était avec un coussin. T'étais à la place de la fille dans la loco. Bon, ouais. Ouais, j'ai déjà pris des gens en levrette. Tu me casses les deux mecs, là. Mais c'est pas. Y'en a qu'un, Gérard. Mais ça va, c'est pas moi, 5 minutes, hein. Non, mais. Gérard, troisième question, s'il te plaît. Troisième question. Gérard, laissez parler, dis ta troisième question. Pourquoi certaines personnes ne font pas la différence entre les positions et. Et l'imposition. Ça veut dire quoi la question? Ben, j'en sais rien, bon, c'est pas grave. C'est pas toi qui les a fait. Il y a deux personnes qui ont été retrouvées dans un ascenseur à la Défense, près de Suresnes, coincées dans la position du chien qui bave. Ah, c'est crade. Alors, la différence entre les positions et l'imposition. Oui. Alors, les positions, c'est tout ce qu'il y a, levrette, missionnaire, hélicoptère, crapaud, etc. Mm-hmm. Et l'imposition. Donc on impose ces poses-là à la position. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on impose de les faire aux positions. Tout à fait. C'est carrément opposé à l'imposition. Voilà. Voilà. T'as compris, Gérard? Ouais. Bon, ok. Ouais. Ça... On accueille Aurore. Bonjour, Aurore. Salut, Aurore. Bonjour, à la place. On s'en fout de la place. Attends, c'est Florence qui a raccroché. Voilà. D'accord. Oh, bonsoir. Bonsoir. Donc, t'as entendu la question? Non. Bah, ah, peut-être là, Gérard. Bon, quelle est la position que vous pratiquez? Moi, c'est la branlette. C'est ça la question. Non, mais toi, Richard se dit déjà de dégager. Je suis plutôt, je le reconnais. Oh, alors, se dit déjà de dégager, Richard. Mais non, moi, je suis avec Richard. Je m'excuse, ça va? Oh, Manu le malin, là! Je te respecte. Gérard, il dégage! Manu le gamin. Oh! Calme-toi, Gérard! Ça y est, Gérard, le débat. Oh! Oui? Quelle est la position la plus pratiquée? La levrette. D'accord. Non, moi, je dirais le missionnaire. Qui? Sophie, oui. C'est le missionnaire la plus pratiquée. Oui. Voilà. Ouais, le missionnaire. Oui. Gérard, quelle est la position que tu pratiques le plus souvent? Moi, je vais te dire une chose. La position que je pratique le plus souvent est la levrette. Ouais. Et je vais même aller un petit peu plus haut. Ouais. La levrette espagnole. Espagnole, Gérard. Alors maintenant, je vais vous dire ce que c'est la levrette espagnole. Ravi. Donc c'est bon, bah la levrette espagnole, c'est que vous prenez la nana, ouais, qui est allongée sur le lit. Uh-huh. Vous lui mettez votre sexe, ouais, entre les deux seins, wow, et vous lui jouez, vous lui faites, vous le faites. Ça, c'est la branlette espagnole, Gérard. Et ben alors. Mais non, c'est la levrette espagnole. Faut pas confondre tentacule et antiltasseur. Gérard, est-ce que tu éjacules sur la bouche de la nana? Jusqu'à maintenant, j'ai jamais éjaculé sur la bouche d'une personne. Et sur son anus? Oui. À la nana, il n'y a pas d'anus sur une poupée gonflable. Mais toi, ta gueule. Toi, tu as dégagé, tu as pas le percier. Qu'est-ce que c'est dit, toi? Il faut mes costumes, là. Hein? Bonjour, tu reprends? Allez, on accueille Laura. Salut Laura. Salut Laura. Allez, pour que ça saute un peu ce soir. La tête de Sandrine. Allez, ouais, Sandrine. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir Laura. Bonsoir. Donc, la question est... La question, aimez-vous pratiquer les positions du souffleur? Ouais. L'homme est assis, la femme est à cheval sur lui. La femme à cheval sur lui? Mmh. Mais c'est quoi pour toi la femme à cheval sur lui? À ton avis? Moi je sais pas, Gérard, parce que là on voit pas là. Mais la cheval, elle a. Montre-nous à la télé, Gérard! Montre-nous à la télé, Non, je te fais pas montrer. Montre-nous. Non, mais vous essayez de chercher. Non, mais explique-nous. On peut pas répondre à la question, on sait pas. Bon, Bon, bah, dans ces cas-là, quelle est la position relative de l'homme par rapport à la femme? Il y a Boss qui te demande si tu fais ça avec Françoise. La levrette. Réponds pas. Il y a un. On accueille Didier à la place de Richard. Salut Didier. Salut Didier. Salut tout le monde, téléphone. Donc la question c'était quoi? Quelle est... Gérard, on t'écoute. Quelle est la position relative de l'homme par rapport à la femme? Gérard, on n'a pas répondu à la question du chou-fleur et je voudrais bien comprendre. Eh ben, essaye de comprendre avant et lancer dans le cul. Bon, toi déjà tu vas être poli ou sinon tu vas dégager vite fait. Ok, bien fait. Donc pour toi c'est quoi Gérard? Allô? Gérard, tu bouges à Gérard! Tu pars devant le micro. Parle devant le micro, parle, parce que des fois tu pars avant. Tu pars devant le micro Gérard. Et puis parle de cul, un peu devant des cochons là. Bah oui. Pour l'instant il me fait que des conneries lui. Donc on va garder. Toi tu vas dégager, s'il te plaît. Bon, c'est mal, ça n'a pas. Il nous faut des grosses cochonnes pour Gérard. Bon, il était mou ce soir. C'est vous. Tu vas dégager, je ne veux plus dans les studios. Moi Gérard, j'aimerais bien te sucer. Moi j'aimerais bien t'enfoncer un god. Oh là là, hé. Gérard, il a foutu. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. J'ai tellement fait niquer ce week-end qu'il est. C'est ton casque. Qu'est-ce qui se passe? Attends, est-ce qu'on a un problème technique? Ça prend feu là. Non, mais pour l'instant, vous êtes en train de faire des conneries. Gérard, il est pas feu. Gérard, laisse te parler, tu t'en fous. Non, mais bon. Alors, Manu, Sophie, Lolita, Laura et Aurore. Et Sophie, non mais... Et maintenant, des filles sur le standard, c'est bon. Mais il n'y a que des filles, Gérard, à l'antenne. Gérard, est-ce que tu aimerais que... Pour l'instant, on va écouter Pilar. Pilar! Bon, on va reprendre le débat. Non, on met un disque. Dans Luc. Non, mais il y a plus de disque. On met un disque. Il y a plus de disque. Demain. Non, Pilar, on met un disque. Pilar, on met un disque. La quatrième question, s'il te plaît. Alors, vous allez répondre à la cinquième. Oui. Qui est? Aimez-vous les positions du souffleur? L'homme est assis sur... est assis, la femme est à cheval sur lui. D'accord. Elle peut, Gérard. Déjà, ça va être compliqué. Non, mais vous allez pas me percer. Allez hop, bonne nuit. Bon, non. C'est terminé. Ok, non. Adieu, Gérard. Il adieu. A bouffé un chili, il pète, ça fume. Va, Gérard. Non. Là, vous arrêtez vos conneries. Il n'y a pas besoin des mecs du standard de Login Fun ici. Bon, Pilar, le disque, il est envoyé. Gérard, ça toi. Donc, bonsoir à tous, c'est la suite des débats et... La fin. Et la fin, on accueille Jennifer, bonsoir. Bonjour Gérard. Lolita. Bonsoir Gérard. Audrey. Bonsoir. Christian. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Christian. Laura. Bonsoir Laura. Et Aurore. Bonsoir Aurore. Salut. Bonsoir. Donc, vous avez compris la question? Oui, c'était quoi déjà? C'est quoi? Non, mais attends, répète la question, là. Il y a eu deux disques, répète la question. Ouais. C'est vrai que c'est épuisant. C'est, oui. Mais vous pratiquez la position du chou-fleur où l'homme assis et la femme. C'est quoi la position du chou-fleur? Je vais dire après, c'est quoi la question? Aimez-vous pratiquer la position du chou-fleur où l'homme assis dans un arbre? Et la femme est à cheval sur lui. À cheval sur lui. L'homme assis, la cheval, la... Bon, je sais plus quoi. Un cheval, la femme sur... Alors moi j'aime bien... Dégage! Alors Jennifer répond. Moi j'aime bien le cheval. M'écoute, Gérard? Oui, je t'écoute. Parce que j'aime bien quand je suis en levrette, il me tire les cheveux en arrière et il s'amuse, il fait le cheval avec moi. Non mais attends, Jennifer. Oui. T'aimes ça? Oui, j'adore. Et ça te fait pas mal? Ah non, j'adore avoir mal. Ça t'excite. Au contraire. D'accord. Ça m'excite. Bon, Lolita. Lolita, tu te réveilles? Lolita! Bon allez Lolita, bonne nuit. Hop. Bon. Oh, ah, mais c'est moi qui t'ai assis sur la télécommande, Gérard. Ah, donne la. Gérard, on prend le débat. Gérard, est-ce que tu aimes une femme pour un cheval sur toi? Tu as arrêté tes conneries là un peu, hein? Pas fait exprès, je suis assis dessus. Gérard! De quoi? Est-ce que tu aimes qu'une femme soit à cheval sur toi? Qui c'est qui me pose... Travaille ou pas, Gérard? Non, mais attends! Mais non, mais... Oh là là! Parle un peu! Ton débat, c'est à chier, là! Ouais, c'est quoi, ce bordel? Bon, non, Gérard! Non, mais ça y est, Gérard, venez, Gérard! C'est quoi, c'est pareil? Je sais pas! Il y a de la fumée partout dans le studio. Il passe. Mais c'est quoi, là, ce bordel? C'est l'appareil qui chauffe, c'est l'appareil. Écoute, il arrête de fumer dans le studio, Il a surtout fumé pétard. C'est quoi, là, ce bordel, là? Non, c'est là, Franck, c'est de ce côté-là. Non, non, non, non. Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule maintenant. Mais personne ne se fout de ta gueule. Ouais, c'est bizarre avec ta caméra. Un débat, bordel. Ton débat. Ton débat. Attends, je vais pas faire un débat dans la fumée. Toi, tu dégages. Ok. Bon, tu dégages. Tu te calmes. Voilà. Gérard, est-ce que tu aimes qu'une femme soit à cheval sur toi? Je crois qu'il aime bien. Lolita. Oui. Est-ce que tu es un vrai sadomaso, Gérard? En cuir. Il y a rien. Est-ce que tu as déjà ce débat? Mais Gérard, tu gères ton débat un peu? Non, y a rien. Oh bah écoute, Gérard, hey, c'est Lolita là, je suis revenue à l'antenne, alors je t'écoute. Hey, tu te fous de ma gueule là? Sérieux, c'est les tubes de l'air. Non, non, tu te fous de ma gueule? C'est là que sort la fumée. D'accord? Mais je veux pas. C'est là que sort la fumée. C'est rouge. Alors tu me retires ça. Mais non, mais. Ah, Gérard, on t'attend. Non, non, la fumée, je sais d'où qu'elle sort. En même temps, vous arrêtez. T'assois, tu fais ton débat, si on arrête à 1h. À 2h30, à 2h, on arrête. Bon, Gérard, tu gères ton débat un peu. Allez. Le deuxième débat, je le ferai moi-même. Ouais, ouais, ça va être mieux. Ah, il sait pas non plus, apparemment, faire le débat. De toute manière, je te donnerai pas les thèmes. Oh. Sans toi, hein. Ouais, bon, c'est un autre. Bon, Gérard, quatrième question, s'il te plaît. Comment? Cinquième question. Ben... Est-ce que tu veux pas répondre? Tu fais pas attention à ton débat. Quelle est la position relative? Oh, vous arrêtez avec ce merde, hein! On t'écoute, Gérard. Allez, on est prêt à répondre. Vas-y. Gérard, tu es lassant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas me percher, hein. Bon, Gérard, ou tu arrêtes ou... Bon, Gérard, on y va ou quoi? T'as tout cassé, Gérard, là, on retire le truc, hein. Gérard, là, là, il y a le feu, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as tout cassé, là. Bon, allez, Gérard, viens, on va parler de Gérard. T'as tout cassé, là. Gérard, on t'attend. Bon, écoute, Christian. Christian. Ouais, je suis là. Tu m'entends? Bon, bah, tu vas faire le débat à la place de Gérard. Ok. Ok. Donc, vas-y pour la cinquième question, hein. On t'écoute. Débat à sa place de toi qui te réveille, Gérard. La cinquième question, qu'est-ce que vous préférez chez une femme qui vous fasse? C'est Gérard. Un cunnilingus. Je vais dégager. Ouais, non, oui, bon, alors je préférais que tu demandes chez jamais. Je vais dégager, d'accord? Non, bon, Gérard, ferme ta gueule, je fais mon débat, là. Ouais, tu fermes ta gueule toi-même, ouais. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Reprends ton débat, là. Reprends le débat. Allez, Gérard, reprends ton débat. Le débat à la place de Gérard, il ne peut pas le faire, il est bourré. Bon, alors. On demande entendeur, salut. Allez-y, les auditeurs, faites le débat. Christian, vas-y. Allez, on y va. Alors, Jennifer, qu'est-ce que tu... Oui. Alors, vous donnez un nom et vous annoncez la réponse. Alors, Jennifer aimerait bien faire un cunnilingus à Lisa. Ah bon? Oui. Ouais. Ainsi qu'à Aurore. Ok. Et ainsi qu'à Christian, qui a un clito. Je pense pas que Christian en ait un quand même. Bon, pas grave. Non, moi je. On va lui graisser un plutôt. Moi je suis routier. Ouais. Routier de formation. Et ouais. Je sévis sur la 86, l'autoroute de Suresnes. T'arrêtes pour les camionnettes de putes? Non, moi je fais des putes, ouais, des autostoppeuses. Des vieilles ou des jeunes? Des bosses sur l'autoroute de Suresnes. Attends, stop, c'est bon. Ouais. Et est-ce que tu vois un dénommé On m'appelle l'enculeur de Suresnes. Hé, l'enculeur, il t'enculé. Ouais, Gérard, bosse sur le SH de la 86 de Suresnes. Je viens d'entendre à l'accent. Ouais, c'est ça, petit malin, allez, dégage-toi. Donc, t'as une question, Christian. Attends, j'étais pas allé jusqu'à maintenant. Mais il revient, Gérard, ou pas? Reprends ton débat, Gérard, reprends ton débat, allez, hop. Ouais, il reprend son casque. Tu me prends quelqu'un d'autre. Ok, il est parti. Tu remets ton casque aussi, toi. Et je remets des gaz avec ta caméra. Allez, vas-y. Oh, ouais. Jennifer, oh, elle est dans tes clés. Allez, Gégé. Allez, Gégé. J'y vais. Oh, c'est quoi, là, ce bordel? Bah, Gérard. Eh, vous commencez à me percer, là, hein. Oh, Gérard, ton débat, il est dans le fume du cul. C'est pas de ta faute. À la place, les filles. Donc, si cette question... Allez, vas-y, on t'écoute, Gérard. Ton casque, Gérard. Allez, le débat. Ton casque. Ton casque, il arrête. Je dégage. Mais c'est bon, il est parti. C'est pas grave, ferme tes yeux, Gérard. Non, Gérard, sois trop, quoi. C'est pas bien. T'en fous, Gérard, c'est toi qu'on voit l'écran. Avant ton micro, si tu t'en souviens. De la radio. Quelle est la position relative de l'homme par rapport à la femme? Au-dessus. Alors, la relation par rapport à l'homme, c'est que l'homme est toujours au-dessus de la femme. Mm-hmm. La femme est toujours soumise à l'homme, ça dépend des cas. Je pense que toi, Gérard, tu es soumis. Comment ça? Comment tu sais? Attends. Qui c'est qui dit que je suis soumis? Non, j'ai dit, est-ce que tu es soumis? Non, mais il y a quelqu'un qui vient de dire. Ah non, j'ai dit, tu as mal compris, est-ce que tu aimerais être soumis? Non. Je reformule ma question, est-ce que tu aimerais être... C'est pas grave, elle s'est mal exprimée, Gérard, sois cool. Ok. Mais c'est qui vient de poser cette question? Jennifer. D'accord. Lolita? Ouais, alors et moi j'aime bien quand le mec il est dessus, comme ça moi je me repose pendant que je suis en train de prendre mon pied. Ah ouais, ça c'est génial. Hein. Mm-hmm. Ça c'est bien les nanas. Audrey? Et Audrey voudrait savoir. Audrey! Oui, je te dis qu'Audrey pareil, elle aime bien se reposer. Non mais tu parles un petit peu plus fort devant ton combinet s'il te plaît. Excuse-moi. Parle un peu plus fort devant le micro, Gérard, on t'entend mal. Non mais je suis devant le micro, alors Audrey maintenant tu es. Tu as fermé? Oui. Tu as parlé un petit peu plus fort. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est bien fait pour toi. D'accord. Okay, dans ce cas-là, si tu veux pas te réveiller, tu vas... Mais c'est toi qui m'embrouille, ouais. Parle plus fort. Alors, je te repose la question. Oui. Quelle est la position relative de l'homme par rapport à la femme? Oui, je te disais que moi, j'aimais bien être sous le mec parce que tu te reposes. Et je voulais savoir si tu étais dominateur ou soumis. Voilà. D'accord, Léon, si Jennifer et Lolita ont compris ce que tu as dit, c'est une question, Gérard. C'est une question, est-ce que tu domines ou est-ce que tu es soumis? C'est pas dur. Est-ce que tu préfères qu'on s'occupe de toi ou que tu t'occupes de la femme? Est-ce que tu préfères sucer bouffer la chatte ou te faire sucer la bite, en gros? La une. La une, est-ce que tu tiens le fouet ou est-ce que tu es fouetté? Il préfère... Attendez, il y a une question peut-être. Non, c'est Max, c'est juste parce que j'ai des Manu un peu, parce que Manu le gamin, il est complètement paumé au standard. Ça, c'est clair, Gérard avait raison. Et j'ai une fille qui arrive, qui s'appelle La Chaude, et qui apparemment est grave amoureuse de Gégé, et elle va lui parler. Non, mais attends, attendez. Déjà, je préviens d'une chose. Et là, La Chaude? La Chaude? Allô, La Chaude, t'es là? Oui, je suis là. Mais non, c'est pas elle, La Chaude. Oui, bonsoir. Ah bah voilà, elle est là, La Chaude. Quand tu veux, tu te réveilles, la vieille. Hein. Bonsoir, Caroline. Quoi, Caroline? Tu travailles ou quoi, la merde? Laura, Gérard, est-ce que tu aimerais qu'on s'embrasse longuement, langue contre langue? Salut, c'est Caramel. Alors accrochez, c'est la vie. Oh, Caramel, tu fermes ta gueule, d'accord? C'est pas Caramel. Mais c'est pas Caramel. Mais ce n'est pas Caramel. Laura. Oui? Oui, Gérard. Alors? Réponds. Moi, j'aime bien comme ça sur moi, c'est pareil. Mmh. Ouais. Aurore. Et toi, Gérard? Non, mais Aurore. Moi, j'aime bien quand tu es sur moi, ouais, qui me regarde et tout. Et toi, Gérard? Bah moi je préfère être sur la nana, c'est tout. Moi je préfère dominer. Donc toi tu préfères tuer que faire tuer? Bah elle a raison hein. Non mais attends, tu nous as pris pour ça. Un mec un vrai quoi, il se met dessus quoi. Bon, ah ouais, c'est un homme qui a un dur. D'ailleurs je préfère être sur la nana, c'est mieux. Ah bah c'est mieux pour elle aussi hein. Est-ce que tu pénètres? Oui. Comment? Avec quoi? Bon, tu m'éteins ton bordel là derrière, s'il te plaît. Il y a une nana d'appeler là. C'est ta prochaine. Il y a une nana qui appelle là. Non, rien à lui, monsieur. Les nanas qui appellent, les nanas. Oui. Alors donc, les nanas vous appellent, s'il vous plaît, parce que. Attends, Olivier, s'il te plaît, à la pro. Gérard, à la pro, tout est éteint. Ouais, mais attends. Pour l'instant, tu t'amuses pas à jouer avec les boutons. Pour avoir deux. Toi, là, j'ai deux sons. Je ne peux rien faire. Ah, tu peux rien faire. Faire. Tu peux rien faire. Qu'est-ce qui se passe? T'es deux voix. Tu peux rien faire. Pourquoi tu touches au bouton? Tu peux rien faire. Olivier. Et qui c'est qui s'amuse à déconner derrière? Derrière. Bon, allez Gérard, vas-y, la septième question. Pratiquez-vous des positions variées dont t'as le plus d'érotisme dans l'intérêt des relations amoureuses? Oui, la sodomie. C'est-à-dire? La sodomie, c'est-à-dire que l'homme pénètre c'est la femme dans l'anus. Non, mais attends, la sodomie, je sais très bien ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi, sodomie? Ouais, mais si, il connaît bien Gérard. Bon, toi, tu... Comment? C'est quoi, Gérard, la sodomie? Attendez. Il y a un mec? On s'en fout, réponds, Gérard. Non, mais attendez. Réponds. Donc, Jennifer, pour toi? Alors, moi, je disais que, oui, la sodomie. Pourquoi? Parce que quand on me sodomise et que je me branle la chatte, je jouis plus vite que d'habitude. Non mais attends, et t'as pas peur d'avoir mal? Attendez, 5 minutes. C'est un mélange, tu vois. Non mais attendez, quand Jennifer dit sodomie, est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire Oui, la sodomie, c'est quand on pénètre dans l'anus d'une femme. Oui. Et pour toi, Gérard, c'est quoi? Pénétrer dans l'anus d'un homme? Justement, sur Minitel, il y a marqué que Gérard encaisse beaucoup de bites à la loco dans l'anus. tu vois, ce mec-là... Calme-toi, Gérard. Toi, ce mec-là, il ne comprend même pas. D'accord. Tu t'en fous. Donc, en devant entendeur, salut pour lui au... Ok. Et toi, Gérard, c'est quoi la sodomie pour toi? De manière, là, je vais vous dire une chose, j'ai jamais fait de mal à une nana. Ça fait pas mal, Gérard. Comment? Ça doit pas faire mal. Hein. Non, mais attendez. La sodomie. Vous savez ce que c'est, les nanas? Ça fait vachement mal. Pourquoi t'as essayé? Ah, j'ai pas essayé, d'accord. Et t'en sais quelque chose? Comment? Est-ce que ça t'a fait mal à toi? De manière, j'ai jamais essayé, d'accord? Et t'aimerais ou pas? J'aimerais pas me la faire faire par un mec. Par une femme. Par un âne, alors. Gérard, il y a une fille, justement, qui apparemment s'appelle Shana. Tu dégages avec ta caméra de devant, là. Tu m'écoutes, il y a Shana, qui est une grosse cochonne et qui adore apparemment la sodomie, qui adore ça, c'est sa position préférée, qui n'est pas d'accord avec toi quand tu dis que ça fait mal, juste qu'elle dit que ça lui fait vachement du bien. Ouais, c'est vrai, je comprends. Vas-y. Gérard. Écoute-moi, c'est de l'Ita, je l'ai jamais fait, mais pourquoi pas, Shana? C'est Shana, Gérard. Je crois que François t'a trouvé un Shana. Tu m'entends, Gérard? Salut, Françoise. Gérard. Oh, tu travailles? Mais t'arrêtes de parler, Gérard. C'est moi qui devrais te réveiller. Gérard. Tu dégages? Gérard, on parle. J'aimerais juste te dire que je suis pas d'accord du tout avec toi. Vas-y, pourquoi? Parce que la sodomie, tu devrais vraiment pratiquer. C'est très agréable. Ça dépend. Oh, ça dépend, non, c'est très agréable. Ça dépend, faut pas le faire avec n'importe qui quand même. Ouais, mais tu peux le faire aussi avec un god ou... Tu peux trouver n'importe quel instrument, hein, un god niché, du moment que ça pénètre bien. Moi, personnellement, c'est très agréable pour Gérard. Tu me dégages, il est avec une fille à ce moment-là, je dégage tout le monde, Gérard. Non, c'est trop bien. Ne dégage pas, Gérard. C'est un tableau, je viens d'entendre Gérard, tu poursuis le débat, merci. Donc, poursuis peut-être un peu le débat. Donc, quelle est la devant position micro, la, t'as tranquille. Quelle est la position la plus difficile à réaliser? Alors, la plus difficile à réaliser. Alors, Jennifer. Alors, je pense que la position la plus difficile à réaliser, c'est la position où le mec est à l'envers, mais debout. Et la nana est au-dessus, mais debout, accrochée au lit, dans l'air, accrochée au plafond. Ouais, ça c'est difficile. Non, mais c'est attends. Très difficile. Attends, Jennifer, ça s'appelle comment cette position? La pirouette. Ouais. Je connais ça sous le nom de frigidaire. Et après, tu voltiges à 360 degrés. D'accord. Le lutin, écoute, moi je pense que la double pénétration toute seule, ça va être difficile à réaliser. Bah non, tu prends une bouteille et tu prends ton doigt, ça fait double pénétration. Non, mais il n'y a pas besoin de prendre une bouteille. Bah si, pour s'enfoncer dans le cul. Ah, bah là, tu prends exactement, t'en as 10. Non, mais n'importe quoi. Bah si, Gérard, tu sais de quoi, quoi je parle. Hein. Bah, parce que t'as déjà essayé? Bien sûr. T'as quelqu'un derrière toi, le lutin? Le lutin? Donc, la suite des débats, donc j'espère qu'au standard, il s'est réveillé un petit peu. Donc, normalement, on devrait avoir Jennifer. Je suis endormie, hein. Oui, je suis là. Ah, c'est toi, la merde. Tu commences à me faire chier, là. J'ai rien fait. Tu continues ton débat. Tu commences à me faire chier avec ta merde, là. Je vais m'en aller si ça continue, hein. Non, toi, tu laisses ouvert, s'il te plaît. Gérard. Tu laisses ouvert, s'il te plaît, la porte. Reprends ton débat, Ok. Tu laisses la porte ouverte, y'a pas d'air ici! Reprends ton débat, Gérard. Hein? Tu laisses la porte ouverte! Gérard, Gérard, c'est la dernière question après. Après Gérard, on va te faire radio. Difficile à réaliser, Jennifer, pour le devant ton micro, Gérard. C'est la dernière question que j'ai posée. D'accord, donc c'est quoi la question? On n'a rien entendu. Ils auraient la position la plus difficile à réaliser. Alors, la position la plus difficile à réaliser, c'est le 370 degrés. C'est-à-dire? C'est-à-dire tourner tous les deux à l'intérieur. C'est 360 le maximum. Sur 360, moi je connais 370. Et toi, Gérard? Non, mais alors, pour l'instant, répondez. J'ai répondu, hein. Lolita. Moi, je te dis tout à l'heure, quand on a... Oh, Manu, tu vas me prendre ça quand du monde derrière eux, là. Calme-les un peu, Manu. Ok, Jean. Là, il y a quelqu'un qui a des personnes derrière eux. Quand mon mec... On les entend. Mais non, c'est des hallucinations, Gérard. Lolita. Lolita. Tu te réveilles? Lolita. Bon, Lolita, bonne nuit. Bon, bah, Lolita est plus là, vas-y, ouais. Gérard. Mais enchaîne, c'est pas grave. Audrey. Oui. C'est le pont d'Avignon. Hein? C'est le pont d'Avignon. Ah, c'est quoi ça? Alors, on y danse. Oui, on y danse. Tous les deux, en fait, voilà. Vous êtes par terre, vous êtes les paumes contre le sol, face à l'autre, mm-hmm. Et les pieds contre le sol. Donc vous faites un pont. Et vous avancez l'un vers l'autre et vous vous encastrez. Et on chante la chanson. Et vous chantez en même temps. D'accord. Ok, elle s'appelle le pont d'Avignon. Laura? Et vous avez le moi? Bah, j'ai pas fini. Je sais pas. Et toi, Gérard? Non, bah, pour l'instant, moi, sur ce question-là, la position... Bon, allez, Gérard. La plus difficile à réaliser, bon, bah, de toute manière, j'ai jamais fait de mal à une là, donc je me perds rester. Gérard, c'est délicat, ça, Gérard. C'est pas parce que c'est difficile que ça fait mal, hein? Non, mais même... Hey, Gérard, c'est Sandrine. Oui. C'est pas une réponse, j'ai jamais fait mal à une nana, ça veut rien dire. Non, mais attends, Sandrine, je croyais que tu n'étais plus là. Bah si, je suis toujours là. Bah, oh. C'est quoi là, ce bordel là, au standard? Mais non, c'est Laura. Gérard, est-ce que pour toi, la plus difficile, c'est de se faire défoncer par un cheval? Gérard, vu que la queue d'un cheval, c'est énorme. Gérard, c'est quoi ta position la plus difficile pour toi? Gérard, tu réponds à la question, s'il te plaît. C'est quoi la position? Bon, pour l'instant, tout le monde n'a pas répondu à la question. Non, mais toi, on t'a posé une question, réponds. De toute manière, j'ai jamais fait de mal à une nana et c'est pas d'accord. Aujourd'hui que j'ai pris du mal. Ça répond pas à la question, c'est quoi? Bah, le plus dur, c'est la sodomie. Et je ferai jamais de mal à une nana. Ça fait pas mal la sodomie, Gérard. Non, parce que pas. Mais ça fait pas mal, c'est un liquide. Attendez, ça fait pas mal la sodomie. Mais la libéa, ça fait plus mal. Bah écoute, moi j'ai jamais fait, alors je sais pas. Gérard, mais tu reprends bien ta queue? Ça te regarde pas. Vas-y, réponds. Quand même, on est dans le vide du sujet, hein. Moins 2, elle fait. D'ailleurs, Est-ce qu'elle fait 0 degré? Arrêtez d'être méchante, les nanas. Mais on est gentil, hein, on l'aime bien, Gérard. Mais Gérard, combien de mesures, alors? Donc, manière, pour l'instant, celle-là... Tu l'as jamais mesuré? Je dis, voilà. Tu l'as déjà mesuré ou pas? Non, jamais. Bon, bah, quand une nana, elle fait pipe, elle met combien de mains pour arriver jusqu'au bout? 3, 4... Ah non, mais il faut plusieurs mains. Un doigt. Bah, ce que je propose, c'est qu'on la mesure en direct. Ça pourrait être drôle. Allez, Gérard, je te fais bander par téléphone et on la mesure. Ah, toi, Gérard. Comme le micro que t'as devant ta bouche, Gérard. Gérard, par rapport au micro, qui est environ... Non, de manière, je réponds maintenant. Gérard, par rapport à un... Non, t'as raison de pas répondre, ça pue dire. Je viens de trouver un double décimètre, tu peux venir? Gérard, est-ce que ton gland est large ou fin? Pourquoi les femmes préfèrent... Un gland comme un recette. Il est loin, attends. Pardon, tu peux répéter la question? Donc, c'est la 9e. Devant le micro. C'est la 9e question. Et moi, je n'ai pas répondu à la question. Qui a pas répondu? Bah, toi, tu réponds jamais. Bah, Aurore. Mais pour moi, la position la plus difficile, c'est debout, car je mesure 1m10. Mm-hmm. Et bras levés sur un tabouret, alors. Ok. Non, mais alors, attends, dans ces cas-là, Aurore. C'est pas qu'il y a un jardin. Aurore. Oui. Tu confonds pas avec un nain de jardin par hasard? Non. Non, presque pas. Bah, ça existe, hein, 1m10. Hein. Moi, je suis bien 1m70. Hein. Ouais, bah, moi aussi, je suis 1m70. Non. Tu fais 1m60. Je suis 1m60. Gérard, 60. Gérard, on a Maëva à la place de Chana. Salut Maëva. Salut Maëva. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Gérard. Salut. Bah, alors, c'est quoi ta 9e question? Donc, pourquoi les femmes préfèrent la position du pachyderme à celle de la Bon, c'est du palisson. Oh, je sais pas. Oh, bon. Quoi? Non, bon, bref. Non, c'est bon, alors, l'épiderme, c'est que ça rentre plus profond. Et par personne, c'est par derrière. Parkinson. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que Gérard, apparemment, c'est pas toi qui prépare tes questions, puisqu'apparemment, t'es même pas capable de les lire. Donc, tu disais qu'en fin de compte, c'est toi qui les faisais quand t'es tapé, mais je m'aperçois ce soir, c'est Max qui te parle. En fin de compte, c'est pas toi qui les tape et c'est surtout pas toi qui les prépare. Non, mais. Un peu de la gueule du monde. Max, c'est méchant avec Gérard. Alors maintenant, donc, dans ce cas-là, on va arrêter le truc des positions. Gérard, tu réponds pas à ma question. Je sais bien qui c'est qui fait les questions. Oui, mais tu me disais que c'est toi qui les prépares. Non, apparemment, ça veut dire. Ouais, apparemment quoi encore comme excuse? Apparemment, tu prépares pas tes débats. Et en fin de compte, si tu me fais croire que c'est on te les tape mais que tu les prépares, mais tu prépares ni les questions et tu les tapes pas. On t'arrête de te foutre de notre gueule. Dans ce cas-là, vous arrêtez de vous foutre de ma gueule avec ta fumée, tu vois. Olivier, merci. Vous êtes pas sympa avec Gérard, les mecs. Hein. Non, là, maintenant, ça part du fil. Lui non plus, parce qu'il nous fait croire que c'est lui qui prépare les débats. Non, attends, c'est pas vrai. Attends, Olivier, il a pas besoin de s'amuser avec un bouton et me balancer la fumée dans la gueule, d'accord? Ah, c'est pour ça que je prépare tes débats. Alors maintenant, que pensez-vous des cunilingus? Cunilingus. Voilà. Alors, c'est Maëva, je peux répondre parce que j'ai pas encore vu ça, en fait. Moi, j'adore les cunilingus. C'est vraiment charmant, que j'apprécie énormément, surtout quand t'as la petite langue du garçon qui vient te titiller. Ça fait des frissons partout, j'adore ça. En fait, tu aimes les cunis? Tu aimes bien pratiquer ça? Moi, Gérard, je voudrais que tu me fasses un cunis dans l'oreille. Gérard, tu aimes les cunis dans l'oreille? De quoi? Est-ce que tu aimes les cunis? Est-ce que tu aimes bien faire ça? Olivier, tu vas pas commencer à t'amuser sur le deuxième débat comme ça. Gérard, t'as même pas fait la conclusion du premier débat. Non mais tu gères pas ton débat, tu gères pas ton débat. Je fais rien, Gérard. Tu vas t'amuser avec la fumée, d'accord? Mais je m'amuse pas avec la fumée. D'accord. Je n'y peux rien, tu vois bien que je te parle en ce moment, c'est pas moi. Tu écoutes pas les gens, tu écoutes même pas les gens. Non, dans ce cas-là, on fait conclusion du premier. Conclusion. Conclusion. Max, c'est où? Pour Lolita, la conclusion du premier, c'est que Lolita n'est rien. Non, pour Maëva, j'aimerais bien répondre encore au cunis. Gérard, tu peux nous écouter un petit peu, parce que là, on n'avance pas dans le débat. Gérard. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends. C'est bizarre, tout à l'heure, maintenant t'es redescendu vers Pildard. Ah ouais? Ah ouais, c'est louche. Vas-y, mais arrête de te méfier de tout le monde, Gérard. Conclusion du premier débat. Non, Gérard, on peut finir conclusion continuer. Conclusion du premier. Mais Gérard, laisse finir les gens parler. Tu poses des questions, on n'a pas le temps de s'exprimer. Moi, je voudrais bien répondre au CUNY. Non, mais pour l'instant, je demande la conclusion du premier. Avant la conclusion, on finit sur le CUNY et après on passe à la conclusion. Non, parce que le CUNY, je crois que c'est le deuxième débat, c'est ça, Gérard. Donc on va d'abord faire la conclusion du premier, effectivement, et on fera le CUNY après. Donc vas-y, Gérard, tu fais passer les gens les uns après les autres. Et tu vas respecter un peu. Alors moi, j'ai trouvé que le débat était vraiment exceptionnel par rapport aux autres débats d'il y a 5 ans. Il était nul. Et effectivement, il était nul. D'accord. Eh bien, dans ces cas-là, si t'es pas content de passer, le prochain coup, tu demandes pas qu'on te rappelle. Ok? Mais alors, on demande en tondeur, salut, bonne nuit, Jennifer. Tu prépares même pas tes questions, c'est normal qu'il ait nul le débat. Ben, si ça vous plaît pas, dans ces cas-là, vous... Mais t'as qu'à préparer tes questions toi-même. Ces cas-là, si ça vous plaît pas, vous envoyez vos questions, j'ai tout dit, vos débats. À part les questions qu'on me propose, à part sur les préservatifs et sur l'avortement, je vais pas faire des débats là-dessus. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Parce que quoi? Les préservatifs, c'est pas un débat que j'attaque à 2h du matin. Et l'avortement non plus. Ok. Il y a quelqu'un sur Mita, qui dit que la princesse Diana est morte parce qu'elle était en train d'avorter sous le pont de l'Allemagne. Alors ça, tu vois, des connards comme ça sur Minita, j'en veux pas. C'était amoureux, Gérard. Ok. Bien, hein. Alors on demande en temps leur salut. déjà pas. Les parodies, là, les parodies. Ah, on va essayer. Eh ben, tu mets les parodies et on se retrouve. Pourquoi c'est ton anniversaire? Alors, je pense le bout des cunilingus. La première question est... Vous, non, vous allez, parle un peu. Vous allez écouter la parodie. Donc, alors, la conclusion. Vous voulez faire la conclusion terre, en fait. Oui. Jennifer, ta conclusion, de toute manière. Tu m'as dit... Non, j'ai dit que le débat était très, très bien. Non, tu tais, Jennifer, s'il te plaît. T'as dit que... Alors, j'ai dit que le débat était très, très bien. Non. T'as dit que t'en avais rien à foutre en demandant ton heure. Salut. Et que j'ai dit que c'était exceptionnel. Lolita. Oui. Je mets les frères des cunilingus. Oui, Lolita. À Françoise. Lolita, tu m'entends? Lolita, ta conclusion, s'il te plaît, sur le premier débat. C'est nul. Bon, alors la conclusion sur le premier débat, c'est que c'était très sympa. Je trouve qu'on t'embête un petit peu trop à l'antenne quand même. Ouais. C'est normal. Et en ce qui me concerne, il n'y a rien de tel que le missionnaire, parce qu'être allongé et prendre son pied, c'est vraiment génial. D'accord. Tu ne quittes pas, tu m'expliques un peu plus de choses en antenne, d'accord? Lolita? Oui? Tu ne quittes pas? Non, je ne quitte pas. Ok. Moi aussi, je ne quitte pas. Audrey, qui me dit que tu ne quittes pas? Jennifer. Ouais, ben attends, pour l'instant, Jennifer, tu m'as dit que mes questions n'étaient pas debout, donc... Ah non, c'est pas moi, hein. Non, c'est pas toi, c'est... Non, c'est pas toi, c'est ma sœur. C'est ma sœur qui bat le bord en contrôle de pizza à 90 km à l'heure. Ouais, c'est ça. Quand tu laisseras. Comment? De toute façon, je veux pas de toi, Gérard. Qui? La vache qui rit. Qui c'est qui vient de dire. Attendez. Qui c'est qui vient de dire que tu veux pas de moi? La vache qui rit, je te dis. Ouais, c'est ça. T'as raison, alors Jennifer, tu peux raccrocher. Ah, c'est pas moi, hein. Non, mais tu en mets couilles. Ah, c'est pas moi, hein. Audrey. Audrey, oui. Audrey, elle est toute mouillée. Et je viens te laisser la moule. Oui. Moi aussi, je veux bien. Laura. Et Audrey, elle est toute mouillée parce qu'elle a écouté. Elle est partie, elle a raccroché, elle n'en pouvait plus. D'accord. Aurore. Ouais, bah, moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Ouais. Moi, tu t'énerves un peu de trop, mais bon. Non, bah, de toute manière, moi, je vais vous dire une chose. Le premier débat, bon... Enfin, bah, Gérard, c'est Maëva, j'ai pas pu donner ma conclusion. Mais attends, tu travailles. Tu m'as pas appelé, j'attends gentiment pour pas déranger. Eh ben, dans ces cas-là, tu réfléchis à la première question. Ah non, mais je peux. Oh, tu te calmes un peu. Je peux répondre la conclusion. J'ai juste quelque chose à dire, c'est que moi j'ai trouvé le débat très sympa. Ça change au niveau des questions aussi. C'est quoi la deuxième? Et mon seul regret, c'est que apparemment tu n'as pas pratiqué la levrette et je te conseille pas de pratiquer du tout. C'est très agréable et si tu veux, on peut éventuellement attends, rencontrer. Attends, t'es qui toi? T'es qui toi? Moi, c'est Maëva. Ok. Gérard, je crois qu'il manque ta conclusion à toi. Gérard, donc, c'est ta conclusion, c'est pas grave. On va régler ce problème après. Bon, la conclusion, alors, c'est que apparemment, par hasard, vous me faites en Brère. Brère. Comme par hasard, il y a encore deux sons. Son. C'était moi, j'étais là-haut, c'est grave, toi. Non, mais attends. Là, il joue à quoi? Non, mais il joue à quoi, là? Là, j'ai retiré l'insert, je le remets. J'ai retiré l'insert, c'est les auditeurs qui arrivent là. Et là, c'est le disque, le prochain disque qu'on va envoyer, qui est une parodie. Tu vois? C'est tout. Alors, c'est quoi le problème? Vas-y. C'est quoi le problème? Donc, voilà. Tu l'entends aussi bien que moi? Moi? Ouais, il y a un double voix. Mais ça, j'y peux rien. Donc, je peux pas faire de conclusion là-dessus. Mais si, fais ta conclusion. Donc, la conclusion, c'est que. Dommage qu'au standard, il soit endormi. Ah, Manu. Eh, hey, Manu. Ça commence à bien faire, donc le deuxième débat. Manu, je change de standard. Donc, Manu, tu gardes Lolita au standard. Oui, c'est ok. Tout. C'est tout. Donc, conclusion, bon ben. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Attends, je vais l'arrêter là, puis là, top, hop là. Ça y est, c'est bon. Bon, alors maintenant, vous allez écouter les... Oh là là. Ma gueule ou quoi, toi, là? Quoi? Ah, merde! Non, mais attends, il fait exprès, là. Allez hop, la parodie, et on se retrouve après pour le deuxième débat. Ah mais Gérard, c'est quoi le deuxième débat? C'est bon, je crois que ça remarche. C'est bon, ça remarche là. Ça remarche. Dépêche-toi, Gérard. Deuxième débat, c'est sur les cunilingus, et je vous retrouve juste après.